بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، في هذه الأونة الأخيرة كثرت الشبهات، وهذا سببه أو من أسباب التعلق واتباع من لا يستحق أن يكون متبوعا. On Allah Azza wa Jal, ces derniers temps, les ambiguïtés ont augmenté. Chaque jour, on a un déluge d'ambiguïtés qui arrive vers nous. Et l'une de ces causes, c'est le fait de s'attacher et de suivre ceux qui ne méritent pas d'être suivis. فَتَسْمَعْ لِبَعْضِهِمْ أَكْتَرْتُمْ مِنَ الرُّدُودِ وَالْآخَرْ عِلْمُ الْجَرْحِ. هذه مسألة اجتهادية ولا يلزمني الأخذ به وما إلى ذلك. Et tu entends certains maintenant, les ambiguïtés qui est sur le terrain maintenant, qui tournent au milieu des jeunes, c'est vous arrêtez pas, vous exagérez sur les répliques. Une. Deuxièmement, la science de la réfutation, c'est un sujet qui est un sujet dans lequel il y a la place à l'interprétation. Donc, elle est ijtihadiyya, et je suis pas obligé de prendre, et ainsi de suite, parmi les ambiguïtés qui tournent maintenant. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. Wa kullu hadihi akha al-islam atatna min bunayyati al-tariq. Et tout ceci, frère en Allah, azza wa jal, c'est que pourquoi on tombe dedans? Parce qu'on a pris les sentiers battus. Au lieu de prendre la voie claire et le chemin clair, on est passé par les sentiers battus. وكل هذه من أسبابها اتباع من لا ينبغي اتباعه والسماع لمن لا ينبغي السماع له. Et tout ceci, l'une de ces causes, c'est le fait de suivre ceux qui ne méritent pas d'être suivis et d'écouter ceux duquel il faut qu'on protège nos oreilles et nos cœurs. فبعضهم سقط قناعه فبين ما هو عليه وجر معه من كانوا يحسبون على الدعوة السلفية. Certains parmi ceux-là, leur masque est tombé. Et il a montré, il a sorti ses dents. Il s'est montré en plein jour. Et alors qu'auparavant, on le comptait parmi les prêcheurs de la Salafia. Et كَذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ الْمَشَايِخُ مَشَايِخُ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَ صَابِرِينَ عَلَيْهِمْ وَمُتَوَجِّهِينَ إِلَيْهِمْ بِالنُّصْحِ فَتَبَيَّنَ أَمْرُهُمْ فِي الْأَخِيرِ فحذروا منهم وبينوا حالهم. Et fait partie de cela aussi ceux que les hommes de science pendant plusieurs années, les hommes de science dignes de la voix de nos plusieurs, d'Allah alim, leur faisaient le conseil, peut-être qu'ils vont revenir, etc. Mais comme ils s'entêtaient à rester dans l'égarement et à défendre l'égarement et à instaurer des règles qui ne correspondent pas à la voix, les hommes de science sont avertis contre eux. منهم من فتح علينا الآن باب فتح على السلفية وعلى السلفيين بابا واسعا تدخل فيه كل الجماعات وكلهم عنده سلفيون. وهذا الباب فتحه أبو الحسن وتبعه على ذلك علي حسن الحلبي. Et certains parmi ceux-là ont ouvert une grande porte. Celui qui l'a commencé, c'est Abu al-Hassan. et a ouvert une grande porte. Il a dit que là, tout ce qui est sur le terrain, Ikhwan, Tablighi, tout le monde, c'est des salafis, tous ils sont sur la voie. Il a suivi sur ce chemin Ali Hassan al-Halabi de Jordanie, et il a ouvert à tous ces gens, à tous ceux qui sont en divergence avec la Sunna, son site pour tous les salafis, mais en réalité, le site doit être appelé réellement pour tous les khalafis ou pour tous les innovateurs. Ah, dans le titre qu'il doit mériter, qu'il mérite. Fa kharajou ala l'ulama bi kawa'id. Khassatan Ali Hassan. Hada kharaj ala l'ulama bi kawa'id. ما كان عليها في القديم وهي تناقض منهجه القديم عندما كان الشيخ ناصر رحمه الله حيا et il est sorti sur les ondes de science avec des règles qui sont en contradiction avec les fondements et les bases sur lesquels il était auparavant quand Cheikh Nasser rahmatullah alayhi était vivant, des règles qui sont en contradiction avec ce qu'il instaurait et ce qu'il prêchait auparavant, il y a plus de 15 ans en arrière. من هذه القواعد الجرح والتعديل مسألة اجتهادية فأنت لا لا تغترب لا تستغرب أن شاب أو داعي في فرنسا يقول لك الجرح والتعديل مسألة اجتهادية فهو من أين أتى بها؟ أتى بها من كل الخلفيين، من موقع كل الخلفيين ومن كلام علي حسن. Et parmi ces règles, c'est cette règle qui est en contradiction avec la voie sur laquelle étaient les puiseurs d'Allah alayhim, sur laquelle sont les puiseurs d'Allah alayhim et les hommes de science d'une dino, c'est que le sujet de la réfutation est un sujet qui est dans lequel il y a la place à l'effort d'interprétation. Ça, c'est l'une des règles de Ali Hassan. Et ces jeunes prêcheurs, ou aussi ces jeunes qui n'arrête pas de prendre cette phrase et qu'il la qu'il la lâche devant tout un chacun, etc. L'ont pris d'où? L'ont pris de ce site de l'innovation qui est le site pour tous les innovateurs et non pas pour tous les salafis. Le site de Ali Hassan. C'est pour ça, l'islam, quand les hommes de science avertissent contre quelqu'un, il faut que tu t'en éloignes de ses livres, de son site, de tout ce qui te rapproche de lui. Tout ce qui est près de près ou de loin de cet homme, tu dois t'en éloigner. Sinon, sache, frère en Allah, Azza wa Jal, que l'innovation va te t'acheter, va te toucher, obligé. Tu t'en approches, tu seras éclaboussé. Pas de problème. Quand tu t'approches d'une flaque d'eau dans laquelle il y a la boue, tu vas être éclaboussé ou pas? Évidemment que c'est... Une bicyclette passe à côté de toi et t'envoie tout. La même chose, Aoula. Il faut que tu t'en éloignes. Et combien il est belle cette phrase de Cheikh Mokhbir, rahimahullah ta'ala, quand tu lui as parlé des livres, des innovateurs, est-ce qu'on peut en profiter de leurs livres qu'ils ont écrits avant qu'ils tombent dans l'innovation, avant qu'ils ne deviennent des égarés. Et il a sorti une belle phrase. Cette phrase, il est à Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, qui a dit: si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait exister l'imam al-Bukhari, la religion d'Allah serait protégée. La même chose pour nous maintenant. Si les Ali Hassan, les Salim al-Hilali, les Abul Hassan et j'en passe, ou le Mghraoui, Mohamed Hassan n'existent pas, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est protégée à l'islam. La voie claire, elle est protégée. Parce que tu entends certains ramènent, mais tous les efforts qu'ils ont faits, tout ce qu'ils ont créé. Yahé, tu es qui? Tu es qui? Je vais lire pour voir le vrai défaut. Yahé, comment? C'est quoi les règles que tu as? Tu n'es même pas immunisé et tu veux aller voir? Tu n'es pas vacciné à l'islam? Imagine, tu n'es pas vacciné contre le tétanos et tu rentres dans un chantier avec de la ferraille rouillée. Qu'est-ce qui t'arrive? La même chose ici. Si tu te protèges de la ferraille rouillée pour ne pas attraper, comment on l'appelle cette maladie? Quoi? Le tétanos. Alors pour ta religion, tu dois faire encore plus parce que le tétanos, tu peux encore t'en guérir. Mais l'innovation, tu ne vas pas t'en guérir à l'islam. S'il s'attache à ton cœur, hein? Et si tu baignes dedans, s'il te couvre, ça y est, hein? Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te veut le bien. كذلك قولهم وهذه من قاعدتي كذلك لا يلزموني. Et aussi, certains, les jeunes, disent, bon, puisque la réfutation est un sujet dans lequel il y a la place à l'effort d'interprétation, donc ça, je ne suis pas obligé de prendre. Comment ça, tu n'es pas obligé de prendre? Et ça, c'est une des règles aussi de Ali Hassan. Pourquoi? Pour protéger les innovateurs qu'il défend. Pour protéger les Mghraoui, pour protéger les Mohamed Hassan, les Abu Ishaq al-Houaini, les Arifi, hein, et les autres, sur lesquels les hommes de science ont immédié des réfutations claires et des mises en garde qui sont très claires. Allez. ومن قاعدته كذلك لا نجعل اختلافنا في غيرنا اختلافا بيننا. Et fait partie de ces règles qu'il a instaurées, celle-là, c'est la règle des Ikhwan. Seulement Ali Hassan, il l'a ramené par une autre expression. Qu'on ne fasse pas de notre divergence sur une personne, une divergence entre nous. C'est la même chose que celle qu'avait l'Ikhwan, qu'on se réunit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on se pardonne les uns les autres sur les choses qui sont sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est identique, il n'y a que l'expression qui a changé. Mais le sens est le même à l'islam. Hein? Et Ali Hassan est très dangereux. Pourquoi? C'est l'excellent en langue arabe. Et il a un bagage. Et c'est pour ça qu'il peut te tourner en bourrique, hein? En bourrique comme il veut. Hein? Il faut faire très attention à l'islam quand les hommes de science font la réfutation. Ce n'est pas parce qu'ils ont une haine contre une personne ou quoi que ce soit. Abadan akhal islam, c'est la défense de la religion. C'est le conseil de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire pour les hommes de science de conseiller. Donc ils remplissent tout simplement quand ils ont mis du temps à conseiller la personne pour qu'elle revienne, qu'ils lui ont montré ses erreurs, ils sont là, ils sont pour qu'elle revienne. Ils ont peut-être des fois 5 ans, 10 ans pour certains. Dans le conseil, qu'il ne revient pas à ce moment-là, ils sont obligés quand ils voient que la situation est impossible à tenir. Ils déclarent, ils avertissent contre, ils ramènent les preuves à l'islam. La page dans laquelle il y a les erreurs, à la minute près dans le duo où il y a les erreurs, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une guerre, hein? Ce n'est pas une haine d'une personne vis-à-vis d'une personne. Abadan à l'islam, il s'agit d'une religion. Et les hommes de science, et surtout ceux, les spécialistes de la réfutation, connaissent mieux que toi ce qui les attend le jour dans l'au-delà. Ils savent très bien que cela parler dans le vide sur quelqu'un et son justice, cela ramène un grand châtiment. Donc on n'a rien à leur apprendre à l'islam. Nous devons apprendre d'eux. Ce n'est pas nous que nous devons mettre maintenant notre dissertation, notre logique à analyser et à dire je prends, je n'aime pas, etc. Après, tu es qui pour jouer dans la parole des hommes de science et pour entrer et s'immiscer dans leur terrain? On est qui? Notre devoir est de rester derrière eux et de se cramponner à leurs conseils et à leurs orientations et d'apprendre à l'islam. Wa ulama ou as-salafiyati ikhwat al-islam ajabu an hadi al-qawa'id kulliha. Et les hommes de science, dignes du nom et de la voix de nos plus élevés, d'Allah alim, ont répliqué à toutes ces règles. خد مثلا مسألة الجرح مسألة اجتهادية قال عنها الشيخ عبد الله البخاري ماذا يريدون بهذه الكلمة؟ يقول فإن كانت الكلمة فإن صدرت الكلمة من عالم سلفي فهي كذلك وإن كانت من غيره فهذه كلمة حق أريد بها باطل. من هؤلاء المبطلين والمدلسين والمنحرفين عن منهج السلف. اي شيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى دو ريبليكي ا سيت فراز لا سيونس دو لا ريفيتاسيون اي دو لافيرتيسمون سي ان سوجي دون لاكيل اي لا بلاس ا لا ا لانتربريتاسيون. Il a dit si cette phrase émane d'un homme de science digne du nom et d'un homme de science salafi, ça, nous sommes d'accord avec. Mais il dit, quand il vient d'un mukhazzil ou de quelqu'un qui fait partie de ces faussaires et de ceux qui ont dévié de la voie, c'est une parole véridique avec laquelle on cherche le faux. C'est une parole véridique avec laquelle on cherche le faux, akhal islam. Wa kalimat la yalzamuni. Hadi kadalika jaba anha al-Sheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Wa qala kayfa la yalzamuk bal yalzamuk an ta'khudha bil jarh al mufassal بدليله من أهل العلم ولو أتى من عالم واحد. Et la phrase qu'il rapporte, je ne suis pas obligé de prendre, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de prendre, je l'ai mis en garde. À cette parole, Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali a répliqué à cette parole. Il a dit, comment tu n'es pas obligé? Il a dit, tu es obligé de prendre. Quand la réplique et l'avertissement te vient d'un homme de science digne du nom, tu es obligé de prendre. Même s'il vient d'un seul homme de science, tu es obligé. Faïkhoud al-Islam, jannibou qulubakum hadi shubuhat, walzamu ahl al-ilm al-ma'roufin, wahum kuthurun walillahi alhamd. Donc Allah Azza wa Jal, vous devez éviter à vos cœurs ces ambiguïtés et tout ce qui rapproche de ces ambiguïtés. Et vous devez être derrière les hommes de science dignes du nom et dignes de la voix de leur puiseur d'Allah. Ils sont, il a louange, il a Allah, subhanahu wa ta'ala, sont très nombreux. Il ne vient pas, mais Mohamed Hassan, il est excellent en langue arabe. Ya akhi taqillah, crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya akhi tel Abu Ishaq, il a de la science là, dans les sciences du hadith. Ya akhi, préserve-toi. Hein? Et ainsi de suite. Le Mghraoui, il a de la science. Oui, qui te dit qu'il n'en a pas? Mais préserve-toi. Il y a un égarement clair que les hommes de science sont sortis de ces paroles. Ces 20 hommes de science ont averti. Et tu viens, toi, hein, de la zip de je ne sais plus d'où. Tu ne sais même pas faire la différence entre le wow et le bâton du battleur. Et tu viens, tu te la ramènes devant les hommes de science. Ah, khittaqillah. Qu'on craigne Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et qu'on ne se la ramène pas devant la parole des hommes de science. Mais ça, c'est le défaut de toute cette jeunesse qui est née dans les écoles de l'Occident. C'est qu'on leur a appris à mettre leur raison partout et à réfléchir sur tout. Hein? Ya akhi, la raison est un bienfait, min Allah azza wa jal. Mais la raison, elle a ses limites. Il y a des domaines dans lesquels il ne s'immisce pas. Il y a des spécialités qu'il faut respecter et qui sont allégeantes. Comme tu respectes, hein, le cardiologue, quand tu es malade du cœur, tu vas voir le cardiologue, tu vas voir le réparateur de bicyclette. Ben, la même chose, Akhi. Quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de la réfutation et de la science de la réfutation, il faut que tu reviennes vers ceux qui en sont dignes, qui en sont les spécialistes, non pas vers les conteurs d'histoire. Non pas vers hein, ton copain que tu avais à l'école, etc. Et il a une leçon de physique ou quoi que ce soit. Maintenant, il est en train de t'apprendre là, le hadith. S'il l'a appris, bien. Mais s'il l'a appris, bah, qu'il reste, qu'il t'enseigne la physique. Hein? Donc, il faut, dans tous les domaines, on cherche les spécialistes. Et quand il s'agit de la religion d'Allah, on ne veut pas respecter la spécialité. Hein? Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour votre religion, ikhwat al-islam. Oulan, amama ayunikum. Man yatasaddar lidda'wa wa yasta'mil usloub al-hizbiyyin al-an. Ladina sabaqahum ala hadha al-tariq. Wa tarahum al-tamthiliyat wa ma yusammunahu bil-clip video wa ilmizuna du'at al-salafiyya. Et tu vois maintenant toute une génération qui commence à monter là, de prêcheurs qui suivent la même voie des Hizbi, des Ikhwan, des Qutbi, de tout. Et tu les vois, leurs clips vidéo. Hein? Tu vois le même style de l'Arifi, de tout. Hein? Ceux qui ont dévié et qui ne sont pas sur la voie, ils l'utilisent. Donc, si tu utilises le même style, la même façon de faire, la même façon de parler, d'instaurer les mêmes règles que tu es qui dans ce cas-là? Tu es comme eux, Akhal Islam. Ils sont comme eux. Direct. Hein? Clip vidéo. Hein? Scène, des montages qui n'en finissent pas, etc. Hein? Et maintenant, notre jeunesse, ils tombent dedans. Ils acceptent. Mais c'est bien, mais au moins, pourquoi? Pourquoi c'est bien? Tu faisais, le faisais ainsi pour faire dawa? Ou là, parce que tu es né en Europe et que cela fait partie de ton environnement, tu trouves ça assez bien? Même si ça fait partie de ton environnement, ben, ce n'est pas bien. Les moyens de dawa sont arrêtés. On n'innove pas dans les moyens de dawa. Hein? Et jamais les clips vont être un moyen de dawa. Jamais les pièces de théâtre non plus. Ni la mode, ni le cinéma. Hein? Et qu'on arrête avec, il nous faut des alternatives. Notre alternative, du moment que nous avons dû, hein, nous avons dit, ni digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, il dit que nous avons agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme seul digne d'être adoré, et nous avons agréé l'islam comme religion, et que Muhammad alayhi salatu salam comme messager, notre devoir tout simplement c'est de se soumettre. Les alternatives. Quelle alternative? Abu Bakr a cherché une alternative. Omar l'a cherché. Hein? Ridwanullah alayhi, Uthman, Ali, Muawiyah, Abdullah. Le hadith, il arrive. Nous avons entendu, nous obéissons, et c'est la parole des croyants. C'est la caractéristique des croyants. Sami'na wa ata'na. Fakat. Hein? Fa. Mimma yu'safu lahu akhal islam. كذلك كثير منا لا يفهم كلام أهل العلم ولا يفهم تفصيلاتهم فمثلا يأتي ويقول لك العلامة الشيخ الفوزان أو العلامة المفتي قال كذا قال لا تشغلوا أنفسكم بالردود. أنا أسألك الآن هذا الكلام لسماحة الشيخ الفوزان وسماحة المفتي هل هو على إطلاقه هكذا هذا النهي؟ Et Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a regretté, est-ce qu'il déchire les cœurs de ceux qui conseillent pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que beaucoup parmi nous ne comprennent pas. Hein? Ils ne placent pas comme il se doit les paroles d'hommes de science, dignes du nom. Nous, il te ramène devant toi, mais son éminence, Cheikh al-Fawzan, Habidahullah, ainsi que le Mufti, interdisent de s'occuper de la réfutation. Maintenant, je te pose moi la question. Est-ce que cette interdiction est dans le sens large du terme? Qu'est-ce que tu en comprends? Tu en comprends? Hein? Fa'alam akhal islam. Fa'alim al-salafi. Al-alim al-sunni. Al-ma'ruf bi-sunna. Wal-ladhi yudarris al-sunna. Wal-ladhi yudafi'u an al-sunna. La yanha mutlaqan an al-rudud. Wa innama yanha anha indama yara'a. يرى بعض طلابه أو بعض الطلاب أو أهل البلد لا شغل لهم إلا الردود فعند ذلك يأتي النهي فنهيهم مقيد بحالة حالة الانشغال بالردود عن طلب العلم حالة الانشغال بالردود وترك المسائل العلمية فهنا يأتي نهيهم حفظهم الله تعالى وأن الله عز وجل فوكتساش que les hommes de science dignes du nom, les salafis, parmi les hommes de science, havidahum Allah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, hein? Ceux qui enseignent la sunna, qui défendent la sunna, qui enseignent le monothéisme, qui les défendent, tel Cheikh al-Fawzan, tel Mufti, et d'autres, quand ils interdisent, hein, le fait de se préoccuper des réfutations, ce n'est pas au sens large du terme, l'islam. Leur interdiction, il est conditionné. Quand l'homme de science, hein, comme ces montagnes de science que je viens de citer, interdit la réfutation ou les mises en garde, il ne l'interdit pas au sens large du terme comme ça. Quand il voit que les étudiants de sa région, ou là ses étudiants, ou là les gens, une grande partie de là où il est, ne se préoccupent que de ça, du matin ou du soir, et qu'ils ne donnent pas l'importance à la science, à ce moment-là, ils sortent, ils avertissent comme ça. Ça veut dire que leur avertissement, il est conditionné par une situation, par le fait que les jeunes, au lieu d'apprendre, d'allier les deux, d'apprendre et de faire attention à ce qui se passe autour d'eux, et d'avoir un œil sur les avertissements que, et les mises en garde que mettent les hommes de science, ben non, ils ne s'occupent pas de l'apprentissage, ils s'opposent tout simplement toute leur journée, toute leur vie passe dans ça. Dans ces cas-là, l'interdiction, il arrive. Wa alam akhal islam, anna al-nahoun, alladhina inhawna an al-rudud, asnaf. Et ça, je prie en Allah Azza wa Jal, que ceux qui interdisent le fait de se occuper de lire les réfutations sont des catégories. As-sinful awwal, ahl-sunnati, ahl-salafiyya, wa ha'ulai la yanhauna anha mutlaqan, walakin 'inda al-haja. La première catégorie, de ceux qui interdisent les réfutations sont, d'abord, il y a les hommes de science dignes du nom, de la voix de plusieurs dans mais ceux-là, ils n'interdisent pas dans le sens large du terme, mais quand il y en a besoin, tu vois que les gens, ils se préoccupent que de ça. Leurs 24 heures ne passent que dans ça. Les années passent, ils sont que dans ça. Là vient l'interdiction. Pourquoi? Par conseil à ces jeunes, et par conseil à ces personnes, pour qu'ils apprennent leur religion. Fa Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah, wa Cheikh al-Mufti, hafidhahu Allah ta'ala, عندما يقول لا تنشغلوا بالردود حالهم ماذا؟ حالهم أنهم علماء سلفيون يدرسون السنة ويعلمون السنة ويدافعون عن السنة وقرينة الحال تدل على ذلك. الله عز وجل كنت maintenant les cette mise en garde nous vient du Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى ou du Mufti que Allah سبحانه وتعالى préserve tous. Quand on entend comme ça ne vous préoccupez pas de la réfutation. La situation de ces deux hommes, c'est quoi? C'est que ce sont des hommes de science dignes du nom, dignes de la voix de nos puissants d'Allah Alim. Ils défendent la sunna, ils propagent la sunna, ils défendent le monothéisme et ils le propagent. Et leur situation le prouve. Quand tu vois dans leur site, regarde les livres de l'Aqida qu'ils enseignent. Et dans les livres de l'Aqida, il y a beaucoup de passages dans lesquels il y a quoi? Il y a les avertissements. Chapitre, éviter les gens de l'innovation, chapitre, répliquer aux gens de l'innovation, etc. Il le confirme, il l'enseigne avec ses règles à leurs étudiants à l'islam. Et contrairement aux gens de l'innovation, moi je te défie de rentrer dans l'indicite de ces innovateurs et je te pousse pas à aller le faire, je t'invite pas à le faire, mais pour que tu saches à faire l'analogie entre les choses. Montre-moi un livre d'Al Tawhid ou l'Aqida expliqué par Mohamed Hassan ou Abu Ishaq al-Houini Drus, ou par Ali Hassan et d'autres, et par le Mghraoui lui-même, comme le font les hommes de science dignes du nom. Tu vois dans leur site l'interprétation de l'Aqida al-Wasitiyya, l'interprétation de l'Umma'at al-Atiqad, l'interprétation de la Sunna, au sol Sunna al-Laka'i, et Sunna ibn Abi Asim, et ainsi de suite. Et dans tous ces livres-là, il y a les règles, comment être avec les innovateurs, et comment avertir avec les innovateurs, et comment s'affiter vis-à-vis des innovateurs. Enfin, donc, de là, tu comprends que quand les hommes de science dignes du nom interdisent aux personnes qui les entourent, ou comme ça, ou à ceux qui les entendent, de se préoccuper de la réfutation, pas dans le sens large du terme. C'est parce que des personnes ne se préoccupent que de ça. Ils délaissent la demande de la science et ils leur sortent cette interdiction. Pourquoi? Par conseil, par compassion, parce qu'ils ont pitié de ces personnes-là. Ils veulent que ces personnes-là acquièrent quelque chose qui va leur être, qui va leur servir dans leur bas-monde et dans le delà. Ils veulent le bien de ces bas-mondes. La deuxième catégorie, « Sanfutani nilladine inhaunani » الردود مثلا نخون ياتيك اخواني قطبي جلد او سروري جلد كمحمد حسان وابو اسحاق وهؤلاء او تبليغي جلد يقول لا تشغلوا انفسكم بالردود انها مضيعه للوقت ومشغله عن طلب العلم فهذا تهرب منه ولا تضيعه وتضع عليه علامه استفهام وتعرف منه ما يريد لان حاله انه ضد السنه وضد اهل السنه. Et maintenant, il t'arrive, la deuxième catégorie, qui avertissent contre les rodouds et les répliques. Arrive devant toi un ikhwani, ou un qutbi ou un sururi. Tu prends Mohamed Hassan, ou l'Abu Ishaq, ou l'Al-Mghraoui, etc. Ne te préoccupe pas des rodouds. Ou un tablighi. Ne te préoccupe pas des rodouds, il te dit comme ça, ne te préoccupe pas des répliques, et des avertissements, et des mises en garde. car c'est une perte de temps. Et hein, tu perds ton temps et tu n'apprends pas la science, etc. Celui-là, tu te sauves de lui. Celui-là, tu mets un point d'interrogation sur lui et tu te sauves de lui et tu t'éloignes de lui parce que tu sais ce qu'il veut. Parce que les répliques, ça les dévoile à l'islam. Les répliques, ça dévoile ces innovateurs. Et ça les démasque. Donc, ils avertissent contre. Ils t'éloignent de la voie qui va les démasquer à l'islam. ولكي تفهم القضية تماما ألخص لك كلام لسماحة الوالد الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ها يبين لك فيه أصناف الناس أمام الردود. Et pour que tu comprennes la situation, je te résume des paroles de Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala, où il te montre les catégories de personnes en face de la réplique, comment ils sont. Les catégories sont au nombre de trois. Nasu amam al-rudu, talat asnaf. Sinfun, la hamma lahu, illa ma'rifat qal fulan, wa fulan, wa radda fulan, wa radda fulan an fulan. ولا يطلب العلم فهذا يشدد عليه رحمة به وشفقة عليه. La première catégorie, c'est celle-là qui est concernée par les paroles d'hommes de science, quand ils disent il ne faut pas se préoccuper de la réfutation et de la mise en garde. C'est une catégorie de personnes, ils n'ont aucun souci que de se préoccuper qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qui a répliqué à tel, celui-là il a dit quoi dans la réplique à tel, et ainsi de suite. Ceux-là, les hommes de science sont sévères avec lui. Pourquoi? Par clémence pour lui, par conseil pour lui, pour qu'il revienne à sa raison, que son temps ne doit pas être passé qu'à ça. Sinfu tani, sinfun inda al-qudra, ala al-jam'i bayna masail al-ilm wa bayna al-rudud. Fahada yu'ayyad, wa yunsar, wa yubarak lah. La deuxième catégorie, personnes qui ont des capacités pour réunir entre l'apprentissage de la science et la réplique en même temps. Ceux-là, on est avec eux. Ceux-là, on les renforce. Ceux-là, on les aide. Ceux-là, on les fait triompher. Ceux-là, on les soutient. Talithan, sinfu talith, man la yadri amma yajri hawla. Fahada yajibu an nakuna ma'a. Wa nutla'au ala ما واجه به علماء السنة أهل الضلال وأئمة البدعة حتى يكون على بصيرة ولا يقع في منهجهم. La troisième catégorie, les personnes qui ne sont pas au courant. Il s'adonne à la science, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Et celui-là, notre devoir, c'est d'être bien avec et de lui ramener les paroles d'hommes de science, hein, et les réfutations, les mises en garde d'hommes de science contre les innovateurs et contre les imams de l'innovation. Pour qu'il soit, qu'il ait une idée sur ce qui se passe autour de lui, et qu'il ait une clairvoyance, et qu'il soit immunisé pour qu'il ne tombe pas dans la voie de cela. Hein? Donc, l'islam ne soit pas dans une des extrêmes. Wa hatta natabassara fi manhajina, atadarasu wa iyyakum ba'd al-ajwiba al-manhajiyya lil-shaykh. العلامة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى لكي نفهم قضية المنهج وقضية القواعد التي يسير عليها أهل العلم والقواعد التي عليها هذا المنهج حتى لا نقع في حبال أهل الأهواء والبدع. وهذا في حد القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وخير منه كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Et pour que nous ayons une clairvoyance dont la voix de nos plusieurs doit Allah alayhim, une idée, une clairvoyance sur les règles des hommes de science, etc., je vais étudier avec vous dans cette assise certaines règles et certaines questions à laquelle a répondu son éminent cher Obeid Hafidhahullah Ta'ala pour qu'on comprenne les règles de la voie et pour qu'on ne tombe pas dans le filet de ces innovateurs et de ceux qui suivent leur passion. Et ceci, comme dirait, a dit le poète, Hein? J'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais pour l'éviter, pour ne pas y tomber. Et mieux que cela, la parole de notre puiseur, Hudayfa ibn al-Yaman, qui disait, les gens demandaient, posaient des questions à Rasulullah sur le bien, et moi je lui posais des questions sur le mal, pour ne pas tomber dans le mal. Hein? وهذا هذا الدرس الثالث في هذه الأسئلة وتجدون الأول والثاني ها في الموقع على الدعوة ميسنجر et ça c'est le deuxième cours sur ces questions sur le منهج et le premier c'est le troisième cours celui-là et le premier et le deuxième vous le trouverez sur dans la rubrique de Cheikh Obeid sur الدعوة ميسنجر فيقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول هناك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسفر والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم كيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات هل ينصح بسماحها بارك الله فيكم إلى سانكيام كيستيون دو سيت سيري ديك Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits. Il y a des conteurs d'histoire sur le champ de la da'wa actuellement. Tel Saïd ibn Musfar, Douaïch, l'Arifi, l'Jibilan et d'autres. Comment, quelle position adopter vis-à-vis des audios de ceux-là, vis-à-vis de leurs audios qui sont tout simplement des histoires. Ils racontent des histoires et des histoires qui poussent à faire le bien et ainsi de suite. Est-ce que tu nous conseilles de les écouter Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. يقول حفظه الله أقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرون المفضلة ومن هو على النهج هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر منه Il dit, حفظه الله تعالى, la guidée du messager, عليه الصلاة والسلام, la voix du messager, عليه الصلاة والسلام, ainsi que la voix du khulafa, et la voix de tous les nobles compagnons, et les imams, et la voix des imams de la science, et de la religion, et de la foi, après les générations qui ont reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal, et ceux qui sont sur cette voie-là, c'est-à-dire sur la voie de qui? De Muhammad alayhi salatu salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Ces gens-là confirment et instaurent les règles et les fondements de la religion. Ils ordonnent le monothéisme. Et ils le confirment pour les gens. Chapitre par chapitre, ils interdisent l'associationnisme. Ils avertissent contre l'associationnisme. Ils détaillent dans l'avertissement contre l'associationnisme pour que la communauté soit avertie et que la communauté fasse attention à l'associationnisme. يقول كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية ويبينون للناس الحلال والحرام. Il dit, et comme aussi, ils ne laissent pas les autres obligations de la religion. Ils éclairent les gens sur les autres obligations de la religion. Ils montrent aux gens ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. يقول وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين. Il dit, et en même temps, ils interdisent contre tout péché et tout péché capital. Ils interdisent, ils avertissent contre toute innovation et toute nouveauté dans la religion. يقول وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب. Il dit, et des fois, ils se trouvent dans leur exposé, dans leur cours, un peu d'exhorte, l'incitation, le fait de faire peur. يقول ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان. Il dit, partant de là, on dit que الوعاظ sont de deux sortes. Ceux qui donnent des exhortes sont de deux sortes. قسمون على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب، تذكير بالموت، الاستعداد للجنة، الحذر من النار، ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل. Et il dit la première catégorie, dont ceux qui donnent les exhortes, c'est que ce sont des gens, comme il l'a dit au départ, des gens qui confirment les fondements de la religion et qui confirment les règles fondamentales de la religion avec preuve. Et dans leurs exhortes, dans leur khotab du vendredi, il y a un peu d'exhortes, un peu des paroles et des choses qui font peur aux personnes, pour attirer l'attention des personnes, de faire attention de quelque chose, à quelque chose, et des choses pour, et des paroles pour inciter les gens vers le bien. Donc ils vont avec la peur et l'incitation au bien. Ils incitent les gens au bien, en même temps ils leur font peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur rappellent la mort, ils leur rappellent aussi le fait de se préparer pour le paradis, et de faire attention au feu de l'enfer. Il dit, mais à côté de tout ça, à côté d'instaurer les fondements de la religion, ceci est peu dans leurs paroles. Hein, pour attirer ton attention que ceci, c'est le contraire de ce que font les conteurs d'histoire que tu as autour de toi, qui ont été cités dans la question. يقول أما القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بتوحيد ولا شرك وديدنهم كله أو جله هو كما ذكرت في سؤالك قصص وفكاهات ومجرد تشويق أو ترهيب خالي أو ترغيب خالي فهؤلاء قصاصون. Il dit la deuxième catégorie, c'est ceux qui ne se préoccupent pas du fait d'instaurer et d'enseigner les fondements de la religion. Ils ne s'occupent pas de l'enseignement du monothéisme ni de l'enseignement de l'associationnisme. Toute leur parole va tourner autour de ce qui est arrivé dans la question. Des histoires, juste pour donner envie, des paroles juste pour donner envie, pour inciter à une mise en garde qui est dépouillée de son sens. Il dit cela, ce sont des conteurs d'histoire. يقول وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة. Il dit dans la cassette à cela, c'est une perte du temps. Et c'est perdre du temps à la personne pour ne pas demander la science de la législation. Cette science de la législation de laquelle a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a le bien complet, il est dans la science de la législation. Khayriya lati tatadammanu sa'adat ad-dunya wal-akhirah. Fi qawli alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bi khayrin yufaqihu fi ad-din. Il dit, le bien, il dit le bien dans le bas monde et dans le delà, le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, il est dans la compréhension de la religion, comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion. يقول حفظه الله فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها لأن تثلمذتها عليهم لا تورث إلا الجهل. Il dit, cela, les musulmans doivent faire attention à eux, ils doivent faire attention à leurs livres et à leurs cassettes. Ils doivent prendre garde contre tout, tout ce que font ces gens-là. Car le fait de les écouter va faire irriter à la personne tout simplement l'ignorance, adoucir les cœurs sans science, une ignorance complète à l'islam. يقول والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجردا بل أثنى على العلم وأهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. Il dit الله سبحانه وتعالى n'a pas fait l'éloge à ceux qui font l'exhorte. Il y a l'exhorte comme ça, au sens large du terme. Mais il a fait l'éloge aux hommes de science. Et il dit dans le verset, Allah a attesté qu'il n'est digne d'être adoré, et les anges ont attesté, et les hommes de science. L'éloge, il est fait à qui? Aux hommes de science. Et dans notre verset, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru. Ils sont élevés. Mais ceux qui ont la science sont élevés à des degrés plus hauts que ceux qui ont cru. Par leur science. Ça te prouve la place de la science et que c'est elle qui a les éloges. Dans notre verset, certes, ne craint Allah que les hommes de science. Al-ulama. Waqala sallallahu alayhi wa sallam. من سلك طريقا يلتمس يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Il dit, Habidallahu Ta'ala, en citant les paroles du prophète alayhi salatu wasalam, celui qui prend une voie, un chemin, par cette voie, il veut l'apprentissage de la science, de la législation, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par son acte un chemin vers le paradis. Et il dit, les anges étalent leurs ailes pour le demandeur de science, parce qu'ils aiment ce que fait le demandeur de science. Ils agréent ce que fait le demandeur de science. Et il dit, l'homme de science, ce qu'il y a aux cieux, ce qu'il y a sur terre, même les poissons au fin fond de l'eau, font du'a pour l'homme de science. Et il dit, les vertus de l'homme de science par rapport à l'adorateur sont comme les vertus de la lune par rapport aux astres. Et il dit, les prophètes, alayhi salatu salam, n'ont laissé en héritage aucun sou, mais ils ont laissé la science, et celui qui l'apprend après la plus grande part du bien. Yaqulu hafidhahullah, at-tahdhiru min al-wa'ad, wal-qussas, wa ashab al-fukahat, wal-qasas, wal-asalib al-mushawwiqa, dun istinadin ila ilmin shar'i yuqarrar minhu usul al-din. وقواعد الكل هؤلاء يحذر منهم ويحذرون لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. Il dit, حفظ الله تعالى, avertir contre ceux qui font des exhortes, contre les conteurs d'histoire, contre ceux qui ramènent des histoires pour agrémenter les assises et qui ramènent des styles qui donnent envie comme ça, sans preuve. Ils sont instaurés, ils sont enseignés les fondements de la religion et ses règles. Cela, il faut émettre l'avertissement. Cela, il faut faire attention à eux et avertir contre eux, car ils ne sont pas sur la voie du messager, alayhi salatu wasalam, ni sur la voie de ses khalifs, ridwanullah alayhim, ni sur la voie de ses nobles compagnons, ridwanullah alayhim, ni sur la voie des imams, de ceux qui les ont suivis et ceux qui sont venus après eux sur le même chemin. يقول حفظه الله يقول السائل السؤال السادس أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم La sixième question de dire Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Personne dit, quand est-ce que la mise en garde, c'est-à-dire le fait de délaisser la personne, de la mettre à la quarantaine, peut être une maison à la quarantaine correcte, quand il est fait pour les gens de l'innovation et les gens de la désobéissance. Quand est-ce que la mise en garde, le fait de les mettre de côté, de ne pas s'en préoccuper et de ne pas être avec eux, quand est-ce que cela, il est géféré? Quand est-ce que il est bien de le faire? Et quand on peut acquérir et avoir le but? Comment acquérir et avoir le but de cette mise à la quarantaine? Et qui est un des fondements, un géant fondement dans cette religion, l'islam. Yaqulu hafidhahullah, awwalan, al-hajru huwa al-asl. Mimman qadir alayhi wa kana muta'an, ya'tamiru an-nas bi amrihi wa yantahi bi nahyi. Hajr ahl bid'ah. وهجر أهل المعاصي هذا هو الأصل حتى يعود إلى رشده ويراجع الحق. إذا حفظ الله تعالى premièrement Hein? Mettre quelqu'un à la quarantaine, ça c'est le fondement. C'est comme ça que ça doit être. C'est l'asl, c'est le fondement. Pour celui qui on est capable et qui est suivi et qui est auquel la personne à laquelle on obéit, hein, celui-là, hein, pour lui, ça c'est l'asl, mettre à la quarantaine. Hein? Quand la personne il est suivi, on met en application ses ordres, on met en application hein, ses interdits, etc. Bah, le fondement pour lui, c'est de mettre à la quarantaine. Mettre à la quarantaine qui? Mettre à la quarantaine les gens de l'innovation et les gens de la désobéissance. Ça, c'est l'origine. Pour que ces gens de l'innovation et ceux de la désobéissance reviennent à eux-mêmes, réfléchissent, reviennent à leur raison et reviennent vers la vérité. Ah, c'est ce qui est voulu avec l'ajr. Lakin, إذا كان هذا الشخص غير مطاع والكفة الراجحة لذلك المبتدع فهنا لا تدعو إلى الهجر ولا تأمر به. Il dit, mais maintenant, si la personne n'est pas suivie et que la force penche du côté de l'innovateur, dans ces cas-là, tu n'appelles pas à la mise à la quarantaine et tu ne l'ordonnes pas. Lakin, لك أن تحذره فلا تزوره ولا تستزيره ولا تحضر مجالسه فإذا سئلت قل لا آمنه على ديني لا آمنه على نفسي. Il dit, mais si toi, en toi-même, tu dois faire attention à lui, tu ne le visites pas, tu n'envoies pas les gens le visiter, tu n'assistes pas, tu ne t'assois pas assise assise. Et quand on te pose des questions, dis, je n'ai pas confiance pour ma religion de cette personne. J'ai peur pour ma religion de cette personne. J'ai peur pour moi-même de cette personne. Il dit, وقد قدمت لكم أول الكلمة أظن في أول سؤال أو في ثاني سؤال ولعله تكرر أن أهل السنة يراعون المصلحة ينظرون في المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع وزجره والتحذير منه هجروه وزجروه وحذروا منه وهجروه، وإذا كانت المفسدة أرجح والناس يتألبون على أهل السنة فإنهم لا يهجرونه يكتفون بالرد العلمي. Il dit, et je vous ai dit auparavant, la première ou la deuxième question, dit que les gens de la sunna prennent en considération le bien, ramener le bien. Hein? Ils regardent où il est l'intérêt de la communauté, où il est le bien, où il est le mal. Ils font la part des choses entre le bien et le mal, et ils acquièrent le bien pour la communauté et, non, et le mal, ils le repoussent. Et donc, quand l'intérêt et quand le bien, et dans le fait de délaisser, de mettre à la quarantaine cet innovateur et de le réprimander, ben ils le font, ils le mettent en application. Ils avertissent contre lui, ils le mettent à la quarantaine. Mais si le mal l'emporte et que les gens vont se révolter contre les gens de la sunna, ils vont combattre les gens de la sunna, dans ces cas-là, ils ne le mettent pas à la quarantaine. Ils ne le déclarent pas le fait de le mettre à la quarantaine, mais il se suffit de la réplique scientifique. La réplique se fera. Les erreurs vont être montrées, elles vont être montrées. Mais pour ne pas exciter les gens contre les gens de la sunna, à ce moment-là, ils ne demandent pas le fait de laisser de le mettre à la quarantaine. يقول ولهذا أقول لكم يا أيها المستضعفون من أهل السنة اعتصموا أنتم بالسنة ولا تجادلوا هؤلاء ولا تخاصموهم اضربوا عنهم صفحا إذا كان أئمتكم هؤلاء فصلوا معهم ثم اخرجوا ولا تهيجوا عوام الناس ورعاع الناس والذين ليس عندهم فقه في الدين عليكم. Il dit, je vous dis, hein, ou vous qui êtes faibles parmi les gens de la sunna, cramponnez-vous à la sunna et ne débattez pas avec ces gens-là. C'est-à-dire, ne débattez pas avec les gens de l'innovation, hein, quand ils ont la force. et délaissez les de côté. Détournez-vous d'eux. Ici, ils sont vos imams. Priez derrière, derrière eux et sortez. Et n'excitez pas le commun du musulman contre vous. N'excitez pas ceux qui les ignorants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala contre vous. N'excitez pas ceux qui n'ont pas de compréhension de la religion contre vous. سؤال الرابع أحسن الله السابع أحسن الله إليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول ما قولكم حفظكم الله في من يقول أجالس صوفيا أخلاقه حسنة أفضل من أن أجالس سلفيا أخلاقه سيئة. Très attention, toutes les questions c'est des règles. Et هذه souvent tu entends les frères dire oui, c'est un salafi, mais il a un mauvais comportement. Je préfère être avec cette bérie, il a un bon comportement. Souvent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en préserve. La question, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Hein? Qu'est-ce que vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de quelqu'un qui dit je reste et je m'assois avec un soufi dont le comportement est bon, et mieux que je reste et que je m'assois avec un salafi dont le comportement est mauvais. يقول حفظه الله أولا لا أظن أن سلفيا تشربت عروقه بالسنة وخالطت بشاشته قلبه أبدا لا يقول هذا. Il dit d'abord, premièrement, je ne crois pas qu'un salafi dont la salafia a imbibé ses vaisseaux, hein, et dont le cœur a été imprégné de la sunna, dirait ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui te le dit, tu crois qu'il est salafi, tu te poses des questions sur ce salafi. Voilà ce que ça veut dire. يقول حفظه الله فالسلفي يبتعد من المبتدعة الصوفية وغيره وينحاز إلى أهل السنة. Il dit, le salafi, il s'éloigne des soufis, il s'éloigne des gens de l'innovation, et il va vers les gens de la sunna. يقول, ولكن ننظر في موجب القول والقائل, فإذا كان القائل من أهل التحزب والحركيين, فهذا, فليس هذا بغريب عليهم. لأنهم ينطلقون شاء أو أبوا من قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. Il dit maintenant, mais nous allons regarder la parole, cette parole et celui qui a dit cette parole. La parole qui est dans la question. C'est celui qui a émis cette parole, fait partie des gens de groupe qui est sectaire, qui est dans un groupe, dans une tendance et qui fait partie des activistes. Donc ceci n'est pas étonnant, parce que leur départ, leur point de départ, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, si la mise en application de cette règle, on s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse les uns les autres sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Qu'ils le veuillent ou non, même s'ils ne prononcent pas la règle, mais leurs actes le prouvent. يقول وإن كان صاحب سنة لكن حز في نفسه شيء لما يرى من جفاء إخواني عليه وغلظتهم عليه غلظة يرى أنها زادت عن حدها فهذا ما أظنه قالها إلا للزجر ولشدة العتاب فهذا يجب على إخوانه أن يتعاملوا معه برفق وأن يحسنوا صحبته لا سيما إذا كان ذا جاه كبير ومكانة مرموقة في الناس. Il dit ici maintenant c'est quelqu'un de la sunna, si c'est un salafi. Mais dans son cœur s'est installé quelque chose, parce qu'il a vu la dureté de certains de ses frères vis-à-vis de lui. Il a vu comment ils étaient sévères et qu'ils étaient dans une dureté qui a dépassé ses limites. Et ils sont dans une dureté, dans un comportement très dur qui a dépassé les limites. Pour celui-là, je crois qu'il l'a dit tout simplement pour réprimander ces gens-là. Je crois qu'il l'a dit par le fait qu'il a senti que ses frères sont trop durs. Et pour les réprimander. Il dit de celui-là, il est obligatoire à ses frères d'être doux avec et d'avoir un comportement digne avec, qu'ils doivent être d'une bonne compagnie avec lui, surtout quand il a sa place dans le lieu où il se trouve, et surtout quand il est respecté par les gens et que les gens le montrent par le doigt, etc. Il faut être bien avec et digne et d'avoir un comportement digne avec. Il dit, فحسن الصحبة واجبة بين أهل السنة من ساعة الصدر والصبر والملاطفة وعليكم السلام ورحمة الله. Il dit, la bonne compagnie est obligatoire entre les salafis, entre les gens de la sunna. Il faut avoir une poitrine très large pour tes frères. Il faut être endurant pour tes frères. Il faut être doux avec tes frères. يقول وقد أرد على سني ويرد علي واشتد عليه فيما بينه ويشتد علي لكن لا على سبيل التشهير لا أشهر به ولا أجعله عرضة لحديثي في المجالس الخاصة والعامة. Il dit, je peux répliquer un sunni, un salafi, il me réplique aussi, je peux être sévère avec lui entre moi et lui, mais il peut être sévère contre moi. Mais celui-là, je ne vais pas le divulguer. Je ne vais pas l'étaler en public. Hein? Et je ne vais pas faire que je vais en parler dans les assises privées, dans les assises générales et ainsi de suite. يقول فلو سئلت عن قول فلان في كذا أقول أخطأ الصواب خلاف ذلك وفلان أعرف أنه صاحب سنة لكنه ما وفق في هذا. Il dit, Habdallah Ta'ala. Et si on pose la question sur la parole de tel, quelqu'un de la sunna, je dirais, il s'est trompé en disant ceci. Et la vérité, il est en divergence à ceci. Et cette personne, je la connais, c'est un homme de la sunna. Mais, dans ce qu'il a dit, il n'a pas eu juste. Il n'a pas dit, ah, il est dans le faux. يقول فتفطنوا بارك الله فيكم إلى الحال والمقال وما يوجب المقال فإنه كما يقال لكل مقام مقال. Il dit, soyez éveillés, que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, à la situation et aux paroles et ce que implique la parole. Car, comme il est dit, il faut prendre en considération la situation. Quand tu veux dire quelque chose, tu prends en considération la situation et ta parole aussi, tu la prends en considération. Il faut tout peser avant. Il faut, dans des situations, tu peux dire ceci, dans d'autres situations, tu ne peux pas le dire. Il dit, السؤال الثامن جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل عن الفرق بين العقيدة والمنهج وهل بينهما خصوص وعموم أم لا. دي لوتيام كيستيون الله سبحانه وتعالى وبنس كيستيون دو كيلكان كي دي سي كوا لا ديفيرونس انتر العقيدة و المنهج اس كي انتر او ان جينيرال اي ان بارتيكولي او با. يقول حفظه الله, العقيدة هي ما تعتقده تدينا في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يستتبع ذلك من تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الماضي والمستقبل ومن ذلك نعيم القبر وعذابه والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم والميزان وغير ذلك. هذه العقيدة. وكذلك يتبع هذا تنزيل الأولياء والصالحين الذين هم أولياء الله المتقين لله أهل سنة وأئمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت منهم خاصة وأئمة التابعين ومن بعدهم فتنزلهم منازلهم من غير غلو من غير إفراط ولا تفريط ولا وتتولاهم محبة في ذات الله عز وجل. اللي حفظه الله تعالى, العقيدة c'est ce que tu crois dans ta religion, ce que tu crois en Allah عز وجل, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ont le jour de l'au-delà, ont le destin bon et mauvais. Et ce qui suit aussi le fait de prendre comme véridique ce que t'a annoncé Allah subhanahu wa ta'ala, ce que t'a annoncé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qui sont passées et les choses qui vont arriver, qui sont dans le futur, il fait partie de cela les délices de la tombe, le châtiment de la tombe, le bassin du prophète alayhi salam, la balance, hein, et autres. Ça, il dit ça, c'est la croyance, c'est l'aqida. Et suis ceci aussi, ce que tu dois mettre à leur place, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'awliya, et les vertueux, qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la sunna, et leurs imams, les nobles compagnons de Mohammed alayhi salam, et la famille du prophète alayhi salam en particulier, et les imams des successeurs des nobles compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection, et tu dois les mettre à leur place, sans aller aux extrêmes, et sans être laxiste. Il faut que tu sois dans un juste milieu dans tout ça. Et tu es leur allié, tu les aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci te rentre dans l'aqida. يقول حفظه الله والمنهج هو الطريق الذي يسلكه المرء في دعوة الناس إلى الله عز وجل وقاعدته الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Il dit le manhaj, c'est la voie que prend la personne pour prêcher les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala et sa règle, le livre et la sunna selon la compréhension du puiseur radhiyallahu anhu. يقول واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان. العقيدة والمنهج متلازمان. Et il dit, et sachez que العقيدة et le منهج vont de pair. C'est comme les siamois. Ils sont inséparables. يقول واعلموا أن العقيدة والمنهج متلازمان. وما أحسن ما قال البربهاري رحمه الله تعالى اعلم أن الإسلام هو السنة. وأن السنة هي الإسلام فالعقيدة والمنهج لا يختل أحدهما إلا من خلل في الآخر. Il dit حفظه الله تعالى et sachez que العقيدة implique le منهج et qu'ils sont inséparables. Il dit sachez et que il est belle la parole qu'a dit l'imam al-Barbahari رحمه الله. Il sache que l'islam c'est la sunna et la sunna c'est l'islam. Il cherche de nous dire, l'aqida et le manhaj doivent aller de pair. Quand il y a une lacune dans un, il y a les lacunes dans l'autre. La lacune dans un implique la lacune dans l'autre. Hein? L'erreur dans un implique l'erreur dans l'autre. Il dit, « فالخوارج لما اختل منهجهم وكفروا بالكبيرة وحكموا على مرتكبها في الدنيا بأنه كافر حلال الدم والمال وتوصلوا من هذا إلى سبي نسائهم ودراريهم من خلل في عقيدتهم. إيه الدي حفظه الله تعالى الخوارج لغبل كنت leur منهج a été perturbé, il a été perturbé à cause de quoi? Quand ils ont rendu mécréant celui qui tombe dans un péché capital, et quand ils ont émis la sentence que celui qui accomplit les péchés capitaux dans ce bas monde, il est mécréant, et que son sang est licite, et sa fortune est licite, donc ils ont le droit de le tuer, ils ont le droit de prendre sa fortune, et ils sont arrivés par le fait de l'avoir rendu mécréant dans ce bas monde, de prendre comme butin ses femmes, sa fortune, hein? Et ceci parce qu'il y a eu une lacune dans leur aqida, il y a eu une lacune dans leur croyance. C'est pour ça que la lacune a décollé à et passé à leur manhaj. كذبوا النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعاصي لا تسلب الإيمان بالكلية وإنما تسلب كماله ولهذا هم ارتكبوا مع هذا تكذيبا آخر فحكموا على مرتكب الكبيرة إذا مات بأنه خالد مخلد في النار. Comme ils ont pas pris en considération les textes, ils ont démenti les textes qui sont clairs et authentiques de notre prophète, comme quoi les péchés n'enlèvent pas la foi complète de la personne, mais tout simplement enlèvent que la foi, empêche que la foi soit complète. Hein? C'est pour ça qu'ils sont tombés aussi dans un autre mensonge. Ils ont émis la sentence comme quoi celui qui est dans le péché capital, s'il meurt dans cette situation, mais il est éternellement au feu de l'enfer. Tout ceci est arrivé de quoi? Par la fausse croyance qui a amené un faux manhaj pour eux. Donc, Cheikh nous fait comprendre que le manhaj et l'aqida vont de pair. Il dit qu'il y a la lacune dans un, ça veut dire qu'il y a la lacune dans l'autre. Hein? C'est obligé. والمعتزلة كذلك قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر خلاف ما شهدت به النصوص من أي التنزيل وصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الخوارج في من مات على كبيرة من الكبائر وهكذا il dit المعتزلة aussi on dit que celui qui tombe dans un péché capital il est entre deux situations ni croyant ni mécréant hein et tout ceci est contraire au texte, à la parole d'Allah et à l'authentique de la Sunna. Hein? Et dans ces cas-là, ils ont un point en commun avec le Khawarij, dont celui qui est mort sur un péché capital. C'est-à-dire que dans ce pas monde, pour le Mu'tazila, il est entre deux situations, il n'est ni croyant ni mécréant. Mais dans le delà, il concorde avec le Khawarij pour dire qu'il est au feu de l'enfer. يقول والمرجئة الغلاة الذين يقولون الإيمان هو مجرد التصديق أو يقولون القول أو التصديق أو التصديق مع القول حاصل عقيدتهم بل هم يقررونه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة il dit quant à ceux qui ont allé dans l'extrême dans l'irja مرجئة الغلاة ils disent que la foi, c'est tout simplement le fait de prendre comme véridique. Hein? Ou ils disent, c'est la parole tout simplement. Ou ils disent, la parole et prendre comme véridique. Ça, c'est les extrêmes de la roulette. Et il en résulte de leur croyance que le péché ne peut pas de mal avec la foi. Du moment que tu crois, que tu as pris comme véridique, que tu fasses des péchés, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Et que ça ne diminue pas ta foi. Comme, la même chose, il met à pied derrière, comme que l'obéissance avec la mécréance ne sert à rien. Il met tout au même temps, au même pied d'égalité. Il dit le Cheikh, Fandori Tanakhud, La yinfa'u ma'al kufri ta'a, hada sahih. Lakin l'maqisa fasid, la yadurru ma'al iman idan. Id, yastawi indahum sikir, l'irbid, l'fajir, ma'al barri taqi, sa'ib, l'musalli. هذا خلل في العقيدة وخلل في المنهج فهم يوالون ويعادون في هذه العقائد الفاسدة. Il dit حفظه الله تعالى. Regarde maintenant cette contradiction claire. Hein? Il dit que l'obéissance ne sert pas avec la mécréance. Ceci est vrai. Mais le fait de le faire, de faire l'analogie avec ceci et avec le fait que le péché ne fait pas de mal à la foi. Quand tu tombes dans un péché, tu n'as rien à craindre du moment que tu es à la foi. Et ça, c'est une fausse analogie. C'est l'analogie avec la différence. Hein? Parce que pour eux, il y a à pied d'égalité le grand soulard, le pervers et le dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui préserve. Ils sont tous à pied d'égalité pour eux. Et il dit ça, c'est une lacune. Et dans l'aqida, et une lacune aussi dans la voie, dans le manhaj. Parce qu'il s'allie pour ces fausses croyances qu'ils ont, ils disent à vous pour ces fausses croyances. يقولوا أهل السنة لا يوالون ولا يعادون إلا في الله عز وجل لا تغرنكم شواذ العبارات ولا بنيات الطريق. Il dit les gens de la Sunna ne s'allient, ne disent à vous que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ne vous faites pas avoir par ces paroles et ces expressions marginales, ne vous faites pas avoir par les sentiers battus. يقول فالمنهج والعقيدة الذي هو طريق الدعوة إلى الإسلام خالٍ من شوب الكفر ومن شوب البدع ومن المعاصي المنهج الصحيح لا يخالف العقيدة الصحيحة أبدا فالإسلام أو الدعوة إلى الإسلام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عقيدة صحيحة ومنهج سديد صحيح. Il dit حفظه الله تعالى. العقيدة et le منهج, c'est la voie de la da'wa vers l'islam, purifiée de toute forme d'innovation et de toute forme de mécréance et de désobéissance et d'associationnisme. Et la voie authentique, le manhaj authentique, jamais il est en divergence avec l'aqida authentique. Abadan. L'islam, il a da'wa vers l'islam selon la voie du messager alayhi salatu wasalam, s'accomplit sur une aqida authentique et sur une voie saine et authentique. يقول السائل السؤال التاسع جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول متى يكون الإنسان مؤهلا لأن ينكر المنكر et la neuvième question il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous comme le sont bien fait la personne dit quand est-ce que l'être humain peut être apte à blâmer le mal quand la personne peut être apte à blâmer le mal اولا بني اعلم ان المنكرات على ثلاث مراتب جاءت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده هذه المرتبه الاولى فان لم يستطع فبلسانه وهذه المرتبه الثانيه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذه المرتبة الثالثة ولا أدري ما تريد بقولك متى يكون مؤهلا لكن أقول لك شيئين Il dit premièrement sache fiston que le monkar fait de le blâmer passe ces trois degrés qui ont été rapportés dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim hadith d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit parmi vous un monkar, qu'il le change par sa main. Il dit, ça c'est le premier degré. Et s'il ne peut pas avec sa langue, il dit, ça c'est le deuxième degré. Il dit, s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et ça c'est le plus bas degré de la foi. Il dit, ça c'est le troisième degré. Il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire avec ta parole, qu'il est à que la personne soit apte pour blâmer le mal. Et je te dis deux choses. أولا, الإنكار بالقلب هذا جميع عباد الله مؤهلون لها لا يعجز عنها أحد. Il dit premièrement, fait de blâmer avec son cœur, ceci tous les humains, tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont aptes à le faire. Personne n'est incapable de le faire, le fait de blâmer le mal avec ton cœur. قل واما المرتبتان الاوليان التغيير باليد والتغيير باللسان كنت دوز اوتر دوغري لو فيت دو شانجي افيك لا مان او افيك لا لونغ يقول فالاولى لمن قذر وامن المفسده التي هي اكبر من تغيير المنكر اي كنت لا بروميير كي لو فيت دو شانجي لو مال افيك لا مان سي بور سولوي كي اون اي كابابل اي كو يا اوكان مال كي فا اون ديكولي ها Il n'y a aucun mal qui va en décoller, que le mal qui va en décoller soit plus grand que le bien qui va en décoller, là, non. Mais si la personne qui est apte à changer avec sa main, et en changeant, il n'y a aucun mal qui va en décoller, que le mal qui va en décoller ne va pas être plus grand que le mal qu'il est en train de blâmer, hada, il peut. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième. وَالتَّانِيَةُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الْبَيَانِ وَيُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ الْحَقَّ ويحذرونهم من الباطل يأمرونهم بالحلال بالدليل وينهونهم عن الحرام بالدليل يدعونهم إلى السنة بالدليل وينهونهم عن البدع بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة وإن دعا الأمر جادلوا بالتي هي أحسن دي كنت على دوزيام بوزيسيون il est aux hommes de science qui savent faire les éclaircissements et qui savent montrer la vérité aux gens et qui savent avertir contre le faux et qui savent ordonner le bien et blâmer le mal avec preuve, et qui savent interdire le mal avec preuve, et qui savent appeler les gens à la sunna avec preuve, et qui savent blâmer et interdire l'innovation avec preuve, et tout ceci accompagné de la bonne exhorte et d'une sagesse. Ah, ils mettent les choses à leur place, c'est ça la hikma, c'est de mettre les choses à leur place. Et si la situation implique qu'ils débattent, ils vont le faire de la meilleure des façons. يقول والأمر الثاني اعلم أنه إذا ترتبت على تغيير المنكر مفسدة أكبر منه كان منكرا، كان تغييره منكرا. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياد بن غنم رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه العلامة الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. Il dit le deuxième point, tu saches, sache, compte, il va découler du fait de changer le mal, un grand mal, plus grand que le mal que tu vas changer, ça devient un mal, ton changement devient un mal. Il dit c'est pour ça, et sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, hein, celui qui a un conseil à faire à son gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, qu'il le fasse en privé avec le gouverneur, qu'il le prend par la main et qu'il lui dise ce qu'il lui a à dire. S'il accepte de lui, il accepte. S'il refuse, la personne a accompli son devoir. Ceci est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre Sunna d'Iyad ibn Ghun, et il est authentique par l'ensemble des voies de transmission. Et ce hadith a été authentifié par son éminence, le muhaddith du siècle, sans divergence entre les hommes de science, Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. فيقول حفظه الله: فتفطنوا بارك الله فيكم في بعض الأحيان لا تستطيع أن تنكر منكرا فيبقى عليك الإنكار بالقلب. Il dit soyez éveillés, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Dans des situations, tu ne peux pas blâmer le mal. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va en découler un mal plus énorme. Donc, il te reste quoi? Le fait de blâmer avec ton cœur. يقول السؤال العاشر وهو الأخير إن شاء الله في هذه الجلسة: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل ويقول: هل يشترط في الرد على المخالف والتحذير منه أن يجتمع على التحذير منه والكلام فيه أهل العلم أم يكفي عالم واحد فقط؟ La dixième question. Et sache que ces questions, ils ont presque 10 ans. Et subhanallah, les ambiguïtés commençaient il y a 10 ans. Ils répondent aux ambiguïtés qui maintenant se propagent à travers le monde musulman. Il dit, la question dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa sainte miséricorde, qu'il vous bénisse. Hein? Est-ce que pour répliquer à un divergent, à quelqu'un qui est en divergence, pour avertir contre lui, il faut que tous les hommes de science avertissent, ou ça suffit la parole d'un seul homme de science, hein? Est-ce qu'il faut que tous les hommes de science le fassent, ou ça suffit une parole d'un homme de science? Il dit, hein? Il dit, Habibullah Ta'ala, voici une règle dont la réfutation et l'éloge, le résumé de cette règle: celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. فَإِذَا حَدَّرَ عَالِمٌ مِنْ رَجُلٍ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَوْ مِنَ الْجُهَّالِ الَّذِينَ لَا يَسْتَحِقُّونَ الصَّدَارَةَ فِي الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وكان هذا العالم معروفا بين الناس بالسنة والاستقامة عليها وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإننا نقبل كلامه ونحذر من حذرنا منه وإن خالفه مئات، بل هو فرضنا والواجب علينا، وإلا ضاعت السنة، فإن كثيرا من أهل الأهواء يخفى أمرهم على جمهرة أهل العلم ولا يتمكنون من كشف عوارهم وهتك أستارهم لأسباب. Il dit, حفظه الله تعالى: quand un homme de science avertit contre un homme et qu'il a ramené les preuves de son avertissement, il a ramené les preuves comme quoi cet homme-là fait partie des gens de l'innovation et fait partie des ignorants dans la religion et qu'il n'est pas autorisé, qui n'a pas le droit de prendre le devant de la scène pour enseigner dans la science et pour être devant de la scène dans la science et dans l'enseignement, et que cet homme de science qui a fait la réfutation est connu parmi les gens par la sunna, il est connu par sa droiture, il est connu par le fait de préserver les droits de Allah, on accepte sa parole et on fait attention à celui duquel il a averti et à celui qu'il a réfuté, même si 100 personnes sont en divergence avec lui. Tant qu'il a ramené, il a accompli la preuve dans ce qu'il avance. Même si 100 personnes, c'est-à-dire 100 en dossier, sont en divergence avec lui. Parce que la règle dit, celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas, comme il te l'a avancé auparavant. Et il dit, ici il a accompli les éclaircissements et les preuves sur, contre celui, qu'il est en train, celui qui refute, La situation qui est large pour lui doit être large pour nous. Et c'est notre obligation. Il est obligatoire pour nous de prendre sa réfutation. Sinon, la sunna va être perdue. Car beaucoup des gens de l'innovation, ceux qui suivent leur passion, leur situation pour une grande majorité d'hommes de science est cachée. Et les hommes de science n'arrivent pas à les déceler. Ils ne savent pas beaucoup de choses d'eux. Ils arrivent, sinon, ils vont les dévoiler. Pourquoi leur situation est dévoilée pour eux? Pour plusieurs choses. Cher, il nous le cite ici. Minha. Al-bitanatu sayi'a. Allati tahoulu bayna al-alimi al-jalil al-sunni al-qawi. Wa bayna usuli ma yuhtiku bihi satra dhalika al-la'ab. Al-makir. Al-ghashash. Al-dessas. Al-bitanatu sayi'a. حال لا يمكن أن يصل إليه شيء حتى أنها تحول بينه وبين إخوانه الذين يحبهم في الله فلا يستطيع أن يقرأ كل شيء. D'abord, les particuliers de cet homme de science qui font partie d'une mauvaise catégorie, une mauvaise catégorie de particuliers autour de cet homme de science. Et des fois, sache, par la ruse de ceux qui sont en divergence, ils envoient certains parmi eux qui restaient être tout le temps à côté du grand homme de science, etc., et dire des choses qui sont fausses sur la personne. Donc, quand tombe la réfutation, l'homme de science digne du nom, il la rejette, parce qu'il a autour de lui des mauvais qui lui ramènent, qui sont une barrière, et qui lui ramènent des mauvaises informations, et le contraire de la situation de cet homme de science. Donc, il dit, Habidallah, les mauvais particuliers qui viennent tourner autour du cheikh et qui sont une barrière entre cet homme de science fort dans la sunna. Et ceux-là, ils sont une barrière contre lui, et que la réelle situation de ceux qui jouent et de ceux qui rusent n'arrive à lui. Et ça, c'est une situation qui va faire, qui est une barrière, qui va faire, et il dit des fois, ces particuliers-là vont même être une barrière que cet homme de science, il n'a plus de relation avec des gens de la sunna qu'il aime pour Allah et qu'eux aussi ils l'aiment pour Allah. Hada le premier point. Comme ça, tu comprends ces points et tu ne viens pas après. Mais pourquoi tel n'a pas averti contre le Mghraoui? Ou là, pourquoi tel n'a pas averti contre Abul Hassan ou contre Ali Hassan? يقول ومنها أن يكون ذلك العالم ليس عنده وقت بل وقته كله في العلم والتعليم. Il fait partie des causes aussi qui font que cette personne ne sait pas les erreurs de cet innovateur et de ce joueur et de ce ruseur, c'est que cet homme de science n'a pas le temps de tout son temps, il est dans la science et dans l'enseignement. Comme c'est la situation de beaucoup parmi les grands hommes de science actuellement, que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et ceci n'est pas une lacune, ni un défaut à Baden. Au contraire. ومنها أن يكون بعيدا عن هذه الساحة يكون هذا الشخص مثلا في مصر أو في الشام أو المغرب أو مثلا اليمن وهذا العالم الذي في السعودية لا يدري عما يجري في تلك الساحة، ما بلغه ثقة بما يجري في تلك الساحة والساحات فهو جاهل بحاله. Et aussi fait partie des causes qui vont empêcher que cet homme de science fort ne parle pas, c'est que il est loin du terrain dans lequel il est cet homme. Par exemple, l'homme il est en Égypte, l'homme de science il est en Arabie Saoudite, et l'homme hada, le ruseur, le joueur, et qui joue avec les jambes de la Sunna, et hein, alors qu'il n'est pas des gens de la Sunna, il est en Égypte. Où il est au nord, au Cham, au nord de l'Arabie, comme en Jordanie, en Palestine, etc. Ou au Maroc, hein? Ou au Yémen. Et cet homme de science qui est en Arabie Saoudite, il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain dans ces pays-là. Et aucun digne de confiance ne lui a ramené la situation de ces ruseurs et de ces hommes qui jouent, hein? Dans ces pays-là. Et on ne lui a pas ramené la situation de ce qui se passe sur le terrain dans ces pays-là. Et donc, dans ces cas-là, cet homme de science, il ignore la situation de cet homme-là. Donc, ce sont trois cas dans lesquels l'homme de science, qui est fort dans la sunna, etc., il lui arrive de ne pas parler. Hein? Et donc, ça, tu dois les ancrer dans ton esprit. Quand on vient te dire, avec cette ambiguïté, mais il n'y a que tel et tel qui ont parlé. Yahi, c'est un, il a parlé, et il a ramené les preuves, c'est suffisant. Et il est passé avec nous au début la parole de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Mudkhali. La parole de Cheikh Mohamed bin Hadi. Rejoint-il la parole de Cheikh Ubaid ou pas? Ils se rejoignent parce que la règle elle est identique. Ils partent d'un seul point et d'un seul fondement à l'islam. Yaqulu hafidhahullah. Wa minha an yakuna hadha al-alim qad nama ila ilmihi wa ta'allaqa fi fikrihi anna dhalika ar-rajul thiqatun 'inda. Fama istata'a أن يصل إلى ما كشفه غيره من أهل العلم للأسباب المتقدمة وغيرها. Il dit, fait partie des causes aussi qui vont être un obstacle pour que cet homme dise et déclare l'innovation de cet homme et avertisse contre lui que ce que cet homme de science digne du nom, il a été grandi dans son esprit et fortifié dans son esprit, hein, que cet homme est digne de confiance. Hein, que cet homme qui subit les avertissements des autres hommes de science, est digne de confiance. Et donc, avec ceci, il n'est pas arrivé à la situation à laquelle sont arrivés ses frères en science, pour les causes que Cheikh Obeid nous a détaillées, pour les trois causes qui sont passées avant. Lakin, nama ila ilmi sabiqan annahu sahibu sunnatin wa annahu yad'u ila Allah, wa kana amamahu yudhiru sunnah. وحب أهل السنة والدعوة إلى السنة ويذكر قصصا من حياته ومصارعة الأفكار الفاسدة والمناهج الكاسدة ويأتي له بكتب سليمة وماذا لا عن دسائسه فماذا نصنع؟ Il dit, et cet homme de la Sunna, il a dans son esprit que cet homme qui subit maintenant les avertissements, qui a reçu l'avertissement des hommes de la Sunna, lui, dans son esprit, c'est un homme de la sunna, qui appelle à la sunna, et devant lui, quand il vient le visiter, il lui montre la sunna, et l'amour des gens de la sunna, et comme quoi il appelle vers la sunna, et lui compte des histoires qu'il a dans son pays, et les combats qu'il a avec les innovateurs dans son pays, etc. Et il lui ramène des bons livres, et l'homme de science ne sait pas que celui-là, il ruse et il cache des choses. Il cherche de nous dire qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas-là. Et prends-la aussi comme règle devant toi. Que devons-nous faire ? فَمَاذَا نَصْنَعُ يَقُولُ حَفِظَ اللَّهِ نَعْمَلْ عَلَى كَلَامِ ذَلِكَ الْعَالِمِ الَّذِي أَقَامَ الدَّلِيلِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْحَذَرَ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنْ كُتُبِهِ وَمِنْ أَشْرِطَتِهِ وَمِنْ شَعْفِهِ. Que devons-nous faire dans ces cas-là? Nous devons mettre en application les paroles de cet homme de science qui a accompli la preuve et qui a ramené la preuve qui font obligatoire qu'il est obligatoire pour nous de faire attention à cet homme. Et attention au livre de cet homme. Et attention aux cassettes de cet homme. Et attention à cet homme en tant que personne. Hein? وَأَمَّا ذَلِكَ الْعَالِمُ الْجَلِيلِ فَهُوَ عَلَى مَكَانَتِهِ عِنْدَنَا لا نجرحه ولا نحط من قدره ولا نقلل من شأنه بل نعتذر له. Il dit quant à cet homme, noble homme de science, hein, sa place, il sera préservé, son honneur sera préservé, aucune réfutation sera émise contre lui, il n'est pas permis d'émettre contre une réfutation contre lui, ni un avertissement contre lui, ni de diminuer de sa valeur, mais on lui cherche des excuses. يقول الشيخ نقول ما علم ولو علم ما علمنا لكان عليه مثلنا وأشد منا. Et le cheikh, on dit, il n'a pas su la situation de ce joueur, de ce riseur. S'il sait, s'il savait, s'il a su, ben il aurait été sur le même point sur lequel nous sommes dans notre avertissement. Ou peut-être plus. Il dit, Wallahu a'lam, on aktafi bihada, wa astaudi'ukum Allah, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, il sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, sait, et on se suffit de cela, et il leur a dit salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, on s'arrête. Et ça sera la fin ici. Avec cette troisième assise, ça sera la fin de la première série de cette série. Qui est dans le titre, il had l'fasil bayna mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batil. Et la première série, il est intitulé la limite entre le comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Ce sont des questions à laquelle Cheikh Obaid Hafidhallah a répondu aux gens d'Agadir il y a quelques années en arrière. Donc ça c'est la première série qui est en trois cas, c'est en trois cours maintenant. Vous avez le premier et le deuxième sur Dawa Messenger et le troisième il va suivre. Donc suivra après, et ce sont des cours qui vont être donnés aux frères de Al-Furqan, le centre Al-Furqan en Belgique, ils n'ont pas le site Al-Furqan, il y a une différence, là il y a le centre Al-Furqan en Belgique, الضوابط في كيفية معاملة أهل السنة وأهل الباطل. Les règles du comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Ça c'est la deuxième série. Qui va être suivie aussi, la compréhension du comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens du faux. Et combien nous avons besoin de ces règles, hein, et de ces paroles, de ces éclaircissements de Cheikh Obaid. Surtout que ces textes-là qui ont été faits il y a à peu près une dizaine d'années correspondent exactement et répondent exactement aux ambiguïtés que certains lâchent maintenant dans cette jeunesse, hein, à travers le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.